Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent en nouvelle diffusion Histoire vivante. Cette semaine, la presse. New York Herald Tribune. De part et d'autre de l'océan. Demandez France, soir Paris Presse Le Monde. Naissance d'un nouveau pouvoir. Is that really your idea of how to run a newspaper? I don't know how to run a newspaper, Mr. Batch. En 1495, deux ou trois canards étaient proposés chaque jour aux Parisiens. Beaucoup d'Américains aujourd'hui célèbres ont été autrefois vendeurs de journaux. Ainsi, Benjamin Franklin, Henry Ford. Quel nouveau modèle permettrait à la presse de vivre et qui veut encore payer pour des médias dits traditionnels alors que voici les réseaux sociaux d'imprimerie d'accès gratuit. De l'indépendant de Littleton, journal hebdomadaire qui a plus de 60 ans d'existence. They are the fake, disgusting news. La transaction est à présent officielle entre Christophe Blocher et Tamedia. Demandez le Figaro littéraire. Histoire de la presse en Angleterre et aux États-Unis, d'Athanase Cuchevalle-Clarigny. La multiplication des petits pains. The Long Parliament. C'est le nom donné au Parlement de l'Angleterre, Parlement qui a été convoqué par Charles Ier d'Angleterre en 1640 à la suite de la guerre des évêques. Cette convocation eut pour conséquence presque immédiate l'abolition de la chambre étoilée, chambre qui soutenait depuis longtemps contre les pamphlétaires une lutte aussi inutile qu'acharnée. Le fanatisme religieux et politique des puritains triomphait des rigueurs de ce tribunal exceptionnel qui avait inutilement employé contre les écrivains les supplices les plus cruels, les mutilations les plus barbares, la prison, l'exil, les confiscations. Quelques procès mémorables, celui de Prynne, de Wharton, de Lilburn, venaient de mettre le comble à l'irritation populaire lorsque les troubles d'Écosse déterminèrent Charles Ier, au commencement de l'année 1641, à céder aux exigences du Parlement et à abolir ce tribunal détesté. Dès le 3 novembre de cette même année 1641, le Parlement laissa publier régulièrement le compte-rendu de ses séances sous ce titre « Diurnal Occurrences in Parliament ». Ce sont ces efforts du Parlement pour exercer en son nom et à son profit l'autorité dont il avait dépouillé la chambre étoilée qui vont donner lieu au pamphlet d'un certain John Milton, en faveur de la liberté de la presse. Peut-être s'agit-il de cette malédiction dans laquelle versa Adam, connaître le bien et le mal, c'est-à-dire connaître le bien par le mal. Et telle est la condition présente de l'homme. Quelle sagesse peut-on choisir? Quelle continence observer sans connaissance du mal? Puisque la connaissance et l'examen du vice sont si nécessaires ici-bas à l'essor de la vertu humaine et l'étude de l'erreur à la confirmation de la vérité, quelle meilleure manière, la moins dangereuse et la plus sûre, avons-nous de reconnaître les domaines du péché et de la fausseté qu'en lisant toutes sortes de traités et en écoutant toutes sortes de raisonnements? Puisqu'il est donc clair que ces livres, et ceux très nombreux qui sont les plus susceptibles d'affecter la vie et la doctrine, ne peuvent être censurés sans l'extinction du savoir et de toute aptitude dialectique, je ne vois pas comment on pourrait ne pas ranger cette hypocrite entreprise de censure au nombre des tentatives vaines et impossibles. Un plaisantin ne manquerait pas de l'assimiler à l'exploit de ce fier abrat qui crut enfermer les corneilles en verrouillant la porte de son jardin. L'impunité et la négligence sont assurément les fléaux d'une république, mais le grand art consiste à discerner quand la loi imposera retenue et châtiment, et quand la persuasion seule agira. John Milton, Aeropagitica, discours à l'adresse du Parlement de Westminster, 23 novembre 1644. Les journaux avaient, dans les nécessités du temps, un meilleur avocat que John Milton. Le Parlement et la royauté étaient en lutte ouverte. Des deux côtés, on cherchait un appui dans l'opinion publique. On s'aperçut bientôt que les journaux étaient un instrument fort supérieur aux pamphlets. Chaque parti voulut avoir son propre organe et l'on se fit la guerre à coups de plume autant qu'à coups de fusil. Les 19 années qui s'écoulèrent de 1641 à la restauration des Stuarts virent naître et mourir près de 200 journaux. Sur ce nombre, une vingtaine ont porté le titre de Mercure, qui semble avoir été aussi populaire en Angleterre que celui de Gazette en France ou de Courrier en Hollande. Toutes ces feuilles étaient in quattro et ne paraissaient qu'une fois par semaine, la plupart du temps le mercredi, quelques-unes le samedi. C'était à vrai dire des diatribes hebdomadaires, des pamphlets en raccourci plutôt que des journaux. Quelques écrivains, cependant, vont arriver par cette voie à la célébrité et même à la fortune. Du côté du Parlement, le journaliste le plus fameux fut Marchamon Needham. Son histoire mérite d'être contée. Marchamon Needham est un véritable gentleman. Il a fait ses études à Oxford, il y a pris ses degrés, il possède à fond ses humanités, il a appris la physique, la médecine, il est curieux des choses de science, tourne fort agréablement les verres, a un esprit vif et caustique. Au sortir d'Oxford, il vient à Londres. Et à l'âge de 23 ans, il occupe une place assez lucrative à laquelle il doit joindre bientôt les produits de sa clientèle médicale, lorsqu'il fonde en 1643 le Mercure britannique. L'adversaire le plus acharné de la cour est l'oracle du parti parlementaire. Un de ses ennemis dit « Tout ce que Needham disait ou écrivait était regardé comme parole d'évangile ». Dans l'année 1647, ce même Needham tombe au pouvoir des royalistes et est amené à Hampton Court en présence du roi Charles Ier qui le gracie. Needham crée alors et rédige pendant 18 mois le Mercure pragmatique dans lequel il fait la guerre aux presbytériens, dans lequel il défend avec verve et habileté la cause royaliste. Arrêté par les têtes rondes, emprisonné à Newgate, Needham est sauvé à nouveau, mais cette fois par le président de la Chambre des communes et le président de la Haute Cour de justice, tous deux hommes indépendants, qui voyaient avec défiance le parti presbytérien et étaient bien aises d'avoir une bonne plume à leur service. C'est alors que Marchamon Needham fonda, pour sa troisième opinion, son troisième journal, le Mercure politique, qu'il va diriger pendant 10 ans avec toute la faveur de Cromwell et dont il va faire le journal le plus répandu, le plus influent de l'Angleterre. À la restauration des Stuarts, Needham a encore le talent de se tirer d'affaire, mais il renonce cette fois au journalisme. Il va se contenter d'exercer la médecine, avec beaucoup de succès, beaucoup de profit, jusqu'à sa mort en 1678. À côté du Mercure politique de Marchamon Needham, il faut également mentionner un autre journal, journal satirique, burlesque, entremêlé de prose, de vers, le Mercure rustique, rédigé également par un gradué d'Oxford, un certain George Wither, qui a abandonné le barreau pour se faire journaliste et soldat. Du côté des royalistes, l'écrivain le plus distingué est John Birkenhead, ancien secrétaire de l'archevêque Laud, fellow et professeur à Oxford. C'était un homme de cour, de manières élégantes, brillant de saillie et de verve, qui jetait le ridicule à pleine main sur les parlementaires. Et Birkenhead était aidé dans la rédaction du Mercure de la Cour, Mercurius Olicus, par un autre homme d'église, un certain Pierre Aylin, un écrivain passionné qui avait le talent de l'invective. Après la restauration, Birkenhead fut fait chevalier, devint membre de la Chambre des communes, membre de la Société royale de Londres, dignitaire de l'Université d'Oxford et maître des requêtes. Cette dernière place lui valait à elle seule 3000 livres sterling par an. Pierre Elline, de son côté, devint sous-doyen de Westminster et va se montrer un prédicateur de mérite. Des détails qu'il serait facile de multiplier et qui marquent à eux seuls quel chemin ont fait les journaux, quelle importance ils ont désormais. Des journaux qui tenaient sans doute encore beaucoup du pamphlet, mais qui tendent à perdre ce caractère. Il y avait une polémique suivie entre les journaux de la Cour et du Parlement. On s'attaquait, on se répondait de part et d'autre, on se parodiait quelquefois, on s'injuriait très souvent. Le journal n'était plus un objet de commerce, c'était un instrument politique. Et des libraires, il était passé aux mains de véritables écrivains, presque tous des hommes instruits et de mérite, sortis de l'église ou du barreau. Un autre progrès s'accomplit dans le mode de publication des journaux. Sous Cromwell, qui ferma la bouche aux feuilles royalistes et qui fut fort malmené par les feuilles républicaines, l'établissement du service des postes avait obligé les journaux à paraître avec ponctualité, ceci afin de pouvoir être expédiés régulièrement chaque semaine dans les provinces. Et enfin, les annonces étaient nées. La plus ancienne, insérée dans un journal anglais, se trouve dans le 7e numéro de l'Impartial Intelligencer, publié le 12 avril 1649. Un gentleman de Candish, dans le comté de Suffolk, offre récompense pour 2 chevaux qui lui ont été volés. Pendant plusieurs années, on ne rencontre dans les journaux qu'un très petit nombre d'annonces. Elles ont trait uniquement à des livres ou à des remèdes. Le libraire Newcombe de Thames Street s'avise enfin qu'il pourrait y avoir là matière à une spéculation. Le 26 mai 1657, il publie le premier numéro du Public Advertiser, presque exclusivement rempli par des annonces et par des nouvelles concernant la mer. Les autres journaux ont tout au plus 3 ou 4 annonces disséminées au milieu de leurs nouvelles. Et c'est dans une de ces annonces qu'il est fait mention, pour la première fois, du thé. Mercurius Politicus, 30 septembre 1658. Cette boisson chinoise excellente est approuvée par tous les médecins, que les Chinois appellent cha, et d'autres nations Thaï ou Ti, se vend à Londres, au café de la tête de la sultane, dans les Sweetings Rents, près de la bourse. Nouveau chapitre, la presse des Stuarts. Le roi Charles II voulait avoir en Angleterre le pendant de la Gazette de France. La cour s'était transportée à Oxford par crainte d'une épidémie qui régnait à Londres. Le samedi 13 novembre 1665 paraît le premier numéro de la Gazette d'Oxford, imprimé d'un seul côté, sur une demi-feuille in folio, par Leonard Lichtfeld, et publié 2 fois par semaine avec cette mention « by authority », par ordre. Cette Gazette d'Oxford contenait des nouvelles de l'étranger, des avis concernant la mer et, de temps en temps, une annonce ou deux. Elle était réimprimée à Londres en 2 petites pages in folio. La cour étant revenue s'établir à Londres, la Gazette l'y suivit et, à partir du 5 février 1666, elle devint la Gazette de Londres, qui se publiait les lundis et jeudi sur 2 pages, divisées chacune en 2 colonnes. La Gazette de Londres fut une feuille officielle, placée sous la direction spéciale d'un sous-secrétaire d'État et rédigée par des écrivains à son choix, pouvoir et politique mêlée. Elle s'est continuée sans interruption tout au long du siècle suivant et c'est dans ses colonnes que se font encore les publications officielles. Roger Lestrange reçut pour dédommagement les fonctions de censeur et se mit à traduire l'historien Flavius Joseph ainsi qu'une partie de Sénèque et de Cicéron. La révolution de 1688 vint mettre le gouvernement sous le contrôle de la presse. Non seulement les journaux vont se multiplier, mais leur rôle va s'agrandir tout à coup par suite de la liberté qu'un gouvernement faible fut obligé de leur laisser et par suite de la rivalité de deux grands partis qui, ne pouvant combattre toujours à main armée, luttèrent par la publicité. Jacques II avait à peine mis le pied sur la terre de France que tous les partis fondaient à l'envi des journaux. En 4 années, on vit paraître 26 feuilles nouvelles, tandis que les 26 années de la Restauration, de 1661 à 1688, n'en avaient vu naître que 70, qui presque toutes étaient mortes au bout de très peu de temps. La loi qui soumettait les journaux à l'autorisation préalable existait encore, sans que Guillaume III eût osé faire usage du pouvoir qu'elle lui attribuait. Cette loi expirait en 1692. Elle fut prolongée pour une année. Mais l'année suivante, les Tories, les Jacobites et même les mécontents du parti ministériel vont se coaliser contre elle et empêcher qu'elle fût renouvelée. Tous les journaux fondés depuis la Révolution vont alors avoir une existence légale. Toutefois, la liberté extrême dont ils jouissent est une tolérance plutôt qu'un droit. Le Parlement s'arroge même sur eux le droit de censure qu'avait perdu la royauté. Il leur interdit de publier les débats des deux chambres. Il étend en termes express cette interdiction aux auteurs de correspondances politiques. Un écrivain jacobite du nom de Dyer fut ainsi mandé à la barre des communes et réprimandé pour avoir, dans une de ses lettres, une seule, rendu compte d'une séance et nommé les orateurs qui avaient parlé. Ce fait prouve les prétentions du Parlement et également la persistance des correspondances politiques 75 ans après l'apparition du premier journal. Payer ou ne pas payer, that is the question. Une feuille du temps, l'Evening Post, s'étonne que bien des gens en province consentent à payer 3 voire 4 livres par an pour recevoir une correspondance, lorsqu'un bon journal leur coûterait beaucoup moins. Plusieurs feuilles, pour faire concurrence aux nouvelles à la main, avaient pourtant imaginé de paraître avec 2 pages imprimées et 2 pages en blanc, afin qu'on pût se servir de son journal en guise de papier à lettres et envoyer les nouvelles du jour à ses amis chaque fois qu'on leur écrivait. Ces journaux, eux, se vendaient 4 sous le numéro. Nouveau chapitre, la presse de la reine. La publication de véritables journaux, consacrés en partie à la diffusion des nouvelles, en partie à la discussion des matières politiques, peut, en somme, être rapportée au règne de la reine Anne, époque à laquelle ces journaux eurent une grande circulation et devinrent les organes accrédités des diverses opinions. C'est Lord Henry Hallam, avocat de formation, historien du Moyen-Âge et de la littérature, qui s'exprime ainsi dans son Histoire constitutionnelle de l'Angleterre. Le règne d'Anne fut en effet une époque éminemment favorable au développement des journaux. La guerre de succession d'Espagne, qui avait pour théâtre l'Europe presque tout entière, préoccupait tous les esprits parce qu'il pouvait en sortir une contre-révolution en Angleterre. La curiosité publique était donc tenue sans cesse en éveil. 2 partis fortement organisés, les Tories et les Whigs, s'étaient formés et se disputaient le pouvoir avec acharnement à la cour, dans le Parlement et devant l'opinion publique. Les journaux furent naturellement amenés à donner une place égale aux nouvelles, aux discussions politiques. L'activité intellectuelle va jouer ici un rôle important. La province était peut-être plus avide encore de journaux, car les gens de Londres avaient au moins la ressource des cafés, où la politique était le sujet de toutes les conversations où les nouvellistes de profession apportaient et recueillaient les bruits du jour. Aussi, Exeter, Salisbury, quelques autres grandes villes, virent-elles naître à ce moment les premiers journaux de province dont la publication prouverait à elle seule la place que le journal tenait désormais dans les besoins de la population. Quant à Londres, il paraissait alors 18 feuilles politiques, certaines nettement au-dessus du lot. L'Observateur passait pour avoir les meilleures nouvelles de la mer. Par ses positions radicales, presque républicaines, l'Observateur va avoir de fréquents démêlés avec la justice. On trouve également le Flying Post, journal réputé le mieux renseigné sur les affaires d'Écosse. Le Post Boy, sur les affaires d'Espagne et de la province. L'English Post, renommé pour ses faits divers. Mais on s'accordait à reconnaître la supériorité du Postman. Ce journal avait pour rédacteur un réfugié français, un ancien ministre calviniste, un certain Fonvive, homme de talent, qui était parvenu à écrire l'anglais comme sa langue maternelle. Jean de Fonvive était demeuré en relation avec bon nombre de ses coreligionnaires que la révocation de l'édit de Nantes avait disséminés sur tous les points de l'Europe. Et il en avait fait les correspondants de son journal, qui était toujours ainsi très exactement renseigné sur tous les pays étrangers. Le postman était fort répandu et rapportait annuellement à son propriétaire 600 livres sterling, somme alors très considérable. Tous ces journaux paraissaient trois fois par semaine. Nouveau chapitre, étape suivante. Le 11 mai 1702, une libraire, Elizabeth Malley, fit paraître le Daily Courant, le premier journal quotidien qui ait été publié en Europe. Un journal imprimé d'un seul côté, sur une demi-feuille, se composant par conséquent d'une seule page, divisée en deux colonnes. Le Daily Courant ne contient que des articles traduits. 5 empruntés au courrier de Harlem, 3 à la Gazette de France et un au Courrier d'Amsterdam. Ces articles étaient précédés d'un modeste programme. Le public, voyant de quel pays vient une nouvelle, avec la permission du gouvernement, sera mieux en état de juger du crédit et de la sincérité d'un récit. L'auteur ne prendra pas non plus sur lui de joindre aux nouvelles des commentaires ou des conjectures. Il s'en tiendra à raconter les faits, supposant aux gens assez de sens pour faire eux-mêmes leurs réflexions. Le courant, comme son titre l'indique, sera publié tous les jours, parce qu'on se propose de donner les nouvelles aussitôt l'arrivée de chaque courrier. Et il est réduit à la moitié du format habituel, afin d'épargner au public au moins la moitié des impertinences que contiennent les journaux ordinaires. Le véritable but d'Elizabeth Malley était peut-être de diminuer les frais du Daily Courant, mais au bout de 40 jours, elle dut la céder à l'imprimeur Samuel Buckley, qui publiait déjà un recueil mensuel, Monthly Register. Buckley transforma et agrandit le Daily Courant. Il le fit paraître sur deux pages, avec des articles et des annonces. Il joignit aux nouvelles de l'étranger des nouvelles de l'intérieur. Il rédigea lui-même des articles de critique qui mirent bientôt son journal en réputation. Le Daily Courant va subsister jusqu'en 1735, époque où il fut réuni à une feuille nouvellement créée, également quotidienne, le Daily Gazetteer. Les journaux jusqu'alors s'étaient occupés beaucoup plus des pays étrangers que de l'Angleterre. Ils ne se hasardaient qu'avec une extrême timidité à parler des affaires publiques, de peur d'éveiller la sévérité du Parlement. Le premier exemple d'une polémique régulière au sujet des affaires d'État va être donné par un homme qui s'était fait une grande réputation comme pamphlétaire, un certain Daniel Defoe. Daniel Defoe, l'auteur de Robinson Crusoe, n'est pas le seul nom célèbre que nous devions trouver dans les annales du journalisme anglais. Le trait caractéristique, au contraire de l'époque à laquelle nous sommes arrivés, ce qui prouve mieux que tout le reste l'importance que les journaux acquirent tout à coup, c'est l'intervention des grands personnages dans les luttes de la presse et le nombre d'écrivains éminents qui font de la rédaction des journaux leur occupation habituelle. On voit un lord, un chef de parti qui devait être premier ministre, Bolingbroke, attaquer le gouvernement par une lettre signée dans l'Examiner, être réfuté dans le Tatler par le lord chancelier lui-même, Lord Cowper. Ce même Bolingbroke, tombé du ministère, reprenant la plume, faisant dans le Craftsman, autre journal, des articles de polémique signant ainsi « Occasional Writer ». Un écrivain de circonstances. À côté de Bolingbroke, ou contre lui, vont écrire Jonathan Swift, l'auteur de Gulliver, ou encore Richard Steele, ou encore Joseph Addison. Ces noms rappellent un genre de journaux qui n'aura eu qu'une existence momentanée, mais resté célèbre, les journaux plus littéraires encore que politiques. Les journaux où la morale, la philosophie, la peinture de la société tenait autant de place que la polémique, et dont un journal est demeuré le modèle, le Spectateur. Ce fut la bonne fortune de cette époque de produire ce type de journaux qui passèrent à la postérité et seront lus encore longtemps comme des livres. La voie va donc être ouverte par Daniel Defoe. Celui-ci était encore à Newgate, où il expiait son moyen le plus court d'en finir avec les dissidents, lorsque, afin de subvenir aux besoins de sa famille, il va publier le 19 février 1705 le premier numéro de sa revue « Review of the State of the British Nation ». Defoe en était le seul rédacteur. Le plan de la revue était très large, il embrassait la réforme des mœurs aussi bien que l'examen des mesures d'État. Une satire morale, un article contre l'ivrognerie, un autre contre le jeu, encore un autre contre le duel, encore un autre sur la licence des théâtres y succédait à une discussion politique. Par un artifice que les auteurs du Babillard et du Spectateur imitèrent, Daniel Defoe se supposait le secrétaire d'une sorte de tribunal, de club du scandale, qui décidait toutes les questions non politiques après avoir entendu les parties, qui jugeaient, par exemple, si les torts des femmes dans les mauvais ménages n'étaient pas imputables au mari. Dans ce cadre qu'il variait à l'infini, Daniel Defoe jeta à pleine main le bon sens, la verve, la malice, en même temps qu'il apportait dans les discussions sérieuses une vaste et solide érudition, une grande force de logique et une remarquable vigueur de style. C'est de la fondation de la revue que date le rôle politique de la presse en Angleterre. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker, Jean-Philippe Zfallon et les voix de Mauro Bellucci et Yves Yeni. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.